Chapitre 3e. Je m'étais dit tout d'abord, malgré cette concession si gracieusement faite, que je retarderais ma visite jusqu'au samedi. Pourtant, expliquez ceci à votre guise, je me trouvais 24 heures plus tôt à la petite porte de Hope Farm. Malgré la douceur d'une belle journée de septembre, un tison massif se consumait lentement dans l'âtre en face de la fenêtre ouverte. La tante Holman était installée au dehors et reprisait du linge. Phyllis, assise au même endroit où je l'avais quittée, était occupée du même tricot et on pouvait la soupçonner d'y avoir travaillé toute la semaine. La treille qui montait le long du mur encadrait de ses feuilles brunies ce blanc visage que j'avais revu plus d'une fois, les yeux fermés, pendant ces quelques journées. Les volailles bigarrées couraient et caquetaient dans la cour de la ferme, où les vases à lait, suspendus comme des trophées, se purifiaient, s'aéraient au grand soleil. Des fleurs partout et jusque sur le sentier, semées avec profusion par la main de l'homme ou celle du hasard. Mon habit, imprégné de leur parfum, garda quelques jours encore, à partir de celui-ci, l'odeur de l'églantier et de la fraxinelle. Les pigeons au plumage marbré guettaient l'instant où la chère tante, prenant une poignée de graines dans un panier placé à ses pieds, la dispersait autour de sa chaise. Quel battement d'ailes, et comme il roucoulait pendant la joyeuse picorée. Ce fut Mrs. Holman qui m'aperçut la première. « Phyllis, cria-t-elle, votre cousin Manning !»« Pour Dieu, ma tante, appelez-moi Paul, lui dis-je aussitôt. Je ne suis Manning que dans nos bureaux. Eh bien, Paul, votre chambre vous attend. Mais le ministre, n'étant rien moins que certain de vous voir arriver, est allé du côté d'Ashfield, où la petite va vous conduire si vous voulez. Allons, Phyllis, votre chapeau, dépêchons-nous. » Une fois en route, je cherchais, non sans quelque trouble intérieur, ce que je pourrais dire d'agréable à mon guide. Je l'aurais voulu de ma taille et sa supériorité me gênait. Ce fut elle qui dut engager la conversation. « Vous travaillez donc beaucoup, mon cousin ?»« Mais alors, reprit-elle, quand je lui eus expliqué l'emploi quotidien de mes heures, vous n'avez guère le temps de lire ?»« Vraiment, non, répondis-je, songeant à part moi que la lecture tiendrait une bien petite place dans les loisirs que j'aurais pu me procurer. »« Moi non plus, reprit-elle, et je le regrette fort. Si seulement on me laissait me lever en même temps que mon père. » « À quelle heure se lève-t-il »« À 3 heures, répondit-elle. » Et j'avoue que ces mots me donnèrent le frisson. « À 3 heures, répétai-je, abasourdi. « Que peut-on avoir à faire si bon matin ?»« Eh, le temps lui manque toujours. C'est lui qui sonne la grosse cloche pour faire lever les bergers. C'est lui qui réveille Betty, notre domestique. Le charretier Jem est un peu vieux. Mon père le laisse volontiers dormir. » Mais encore faut-il que les chevaux mangent. C'est encore mon père qui vérifie les harnais et qui les répare au besoin. Il écrit ensuite la commande, soit de nourriture pour les hommes, soit de fourrage et d'avoine pour le bétail. Si tout cela lui laisse un peu de temps, il vient me trouver, et nous lisons, mais de l'anglais seulement à cette heure-là. Nous gardons le latin pour la soirée, où nous avons le loisir de nous y complaire. Bref, tout cela et bien d'autres choses l'occupent jusqu'à 6h30, heure où nous déjeunons. Heure où je dors encore, pensais-je avec quelques remords. Mais heureusement, nous approchions du terme de notre course. « Regardez, cousin Paul, me dit Phyllis, regardez là-bas ces 3 hommes. Le plus grand de tous est mon père. Jamais je ne me serais figuré un révérend ministre dans un tel équipage, sans cravate, sans gilet, sans habit, sans bretelles, les pieds dans d'épais brodequins, la tête nue, les bras nus, et maniant la houe avec toute la dextérité du laboureur le plus expert. Ainsi m'apparut cependant, à travers les branchages d'une haie, le digne Ebenezer Holman. Comme nous entrions dans le champ, il nous adressa un signe de tête, mais sans se hâter au-devant de nous, car il achevait de donner quelques instructions à ses 2 acolytes. Phyllis lui ressemblait plus qu'à sa mère. Il était comme sa fille, de haute stature, on devinait le même teint sous le hâle qui couvrait ses joues, et la même nuance de cheveux tempérés par une sorte de glacis argenté. Au demeurant, un homme robuste, poitrine large, flancs évidés, tête bien posée, jarret musculeux. « Vous m'amenez sans doute le cousin Manning ?» dit-il à sa fille, sans lui laisser l'ennui de la présentation. « Attendez, jeune homme, je vais passer un habit et vous souhaiter la bienvenue dans toutes les règles. Mais auparavant, écoutez, Ned Hall. Cette rigole devient indispensable. Il faut que les eaux s'écoulent. Il y a aussi... Pardon, cousin Manning. Il y a quelques poignées de chaume à remettre sur le toit du vieux Jem. Vous ferez cela demain, quand je serai enfermé dans mon cabinet. » Puis, changeant de ton et avec cet accent particulier au prédicateur, « Maintenant, ajouta-t-il, je vais entonner le psaume « Venez tous, cœurs harmonieux », et il se chante sur l'air du mont Éphraïm. » Ceci dit, il leva sa bêche, transformée tout à coup en bâton de chef d'orchestre, et dont il se servait pour battre la mesure. Les deux laboureurs commencèrent l'air et les paroles en question. Phyllis était aussi au courant, moi seul restais bouche close. Deux ou trois fois, ma cousine me regarda, un peu étonnée de mon silence. J'admirais malgré moi le tableau que nous composions ainsi, groupés tous les cinq, la tête nue, sauf Phyllis, au milieu de ce chaume noirci dont tout l'état de gerbe n'était pas enlevé, ayant d'un côté un bois sombre où gémissaient les ramiers, et de l'autre, par-delà les frênes, les lointains bleuâtres de l'horizon vaporeux. J'ai pensé quelquefois depuis que si j'avais su le psaume et si j'avais essayé de le chanter, l'émotion du moment aurait paralysé ma voix. Avant que je fusse bien remis de cette émotion, les deux laboureurs avaient disparu. Le ministre, passant les manches de son habit noir et reboutonnant aux genoux sa culotte courte, sur de gros bas de tricot gris dont je devinais facilement l'origine, le ministre me regardait avec bienveillance. « Je présume, disait-il, que vous autres, messieurs des chemins de fer, vous ne terminez pas la journée par un psaume chanté en commun. Ce n'est pourtant pas si mal entendu. » Je n'avais rien à répondre, et je ne répondis rien. J'admirais à part moi ce bel échantillon du clergé de campagne, tandis qu'il arpentait les guérets à grandes enjambées, d'une main tenant son chapeau, de l'autre celle de sa fille. À certains moments, il s'arrêta devant je ne sais quel aspect subit du paysage noyé dans les lueurs ambiantes de cette belle soirée, puis, la tête tournée de mon côté, il récita deux ou trois vers latins auxquels je ne compris pas un traître mot. « N'est-il pas singulier, ajouta-t-il, que Virgile ait trouvé des épithètes aussi exactes il y a 2000 ans, et en Italie, pour décrire ce que nous avons présentement sous les yeux à Heathbridge, comté de Grande-Bretagne. « Certes, certes, » balbutiai-je tout penaud, et rougissant intérieurement de mon ignorance. Le ministre regarda du côté de Phyllis, qui, sans dire un mot et par un simple jeu de physionomie, lui prouva qu'elle était en parfait accord avec la pensée qu'il venait d'exprimer. « C'est pire que le catéchisme, » m'écriai-je intérieurement, presque indigné de me trouver ainsi convaincu d'infériorité vis-à-vis d'elle. À peine assis au coin du feu sur un siège triangulaire qui paraissait lui être spécialement affecté. « Où est madame ?» demanda le ministre. On voyait qu'elle l'avait habitué à se trouver là, chaque fois qu'il rentrait au logis, pour lui manifester par un regard, un geste, un mot quelconque, le plaisir qu'elle éprouvait à le revoir. La minute d'après, elle était à son poste, souriante, attentive, et sans s'inquiéter de ma présence, son mari lui rendit compte des travaux de la journée. « Ça, dit-il par manière de conclusion, je vais me mettre sur un pied plus convenable et afficher ma révérence. On servira le thé au salon. »